Chapitre 12. Ami estima que l'île mesurait 5 kilomètres de long. C'était de toute évidence une excroissance née d'une accumulation de lave refroidie quelques milliers d'années auparavant, comme en témoignait le cône tronqué du volcan couronné de fumerolles qui la dominait d'une bonne centaine de mètres. Malgré cela, elle paraissait très verte. La végétation couvrait très haut les flancs du cratère. Mais le plus singulier, c'était l'incroyable accumulation d'épaves échouées aux abords de la plage. À croire que tous les vaisseaux en perdition ces 2 derniers siècles avaient choisi de mourir ici, en un enchevêtrement de carcasses, le dernier arrivant et prenant celui qui l'avait précédé. Ce cimetière de bateaux dématés, aux coques éventrées, pourries ou rouillées, avait quelque chose d'incroyablement sinistre. Beaucoup de navires reposaient de guingois, encastrés entre 2 récifs, leur superstructure recouverte d'une croûte de fientes épaissie par plusieurs générations d'oiseaux marins. « Un cimetière d'épaves !» s'extasia Sharon. « Je croyais que ça n'existait que dans les romans d'aventure. » « Moi aussi, avoua Amy, avec moins d'enthousiasme. » L'équipage du U-boat se tenait sur le pont, les yeux écarquillés, contemplant cette sargasse dont aucune carte ne mentionnait les coordonnées. Voilà donc comment on finit tous ceux que le courant a capturés, grogna Ziegfeld. C'est ici qu'il aboutit. Il va nous abandonner sur la plage, au milieu de ce dépotoir. En disant cela, il ne faisait qu'énoncer un fait incontestable, car le submersible était bel et bien en train de s'engager dans le labyrinthe des carcasses. Où qu'il se portât, le regard se heurtait à des coques éventrées, rougies par l'oxydation. Les navires de bois n'étaient plus que des squelettes désagrégés, colonisés par les crabes géants et les coquillages. Toutes les espèces d'embarcations étaient représentées, cargo, yacht, sloop, clippers, marine à voile, marine à vapeur. On devinait même les restes d'un patrouilleur militaire brésilien que la rouille transformait lentement en dentelle. Les marins demeuraient silencieux. Certains estimaient déjà qu'ils avaient peu de chances d'échapper à ce piège, et tous se demandaient ce qu'étaient devenus les survivants des multiples naufrages. Un raclement sourd annonça que le sous-marin venait de s'échouer. Eric Weser s'ébroua, il fallait prendre une décision. « 3 hommes dans le canot avec des fusils, ordonna-t-il. Soyons sur nos gardes. Cette île est peut-être peuplée d'indigènes hostiles. » Enfant, il avait rêvé de prononcer cette phrase. Aujourd'hui, il n'éprouvait aucune exaltation, juste une angoisse qu'il s'efforçait de dissimuler. Ziegfeld le rejoignit dans l'embarcation. La tournure des événements le contrariait. À quoi bon lui servirait-il de mettre la main sur les bijoux de la couronne d'Angleterre si c'était pour rester prisonnier d'un îlot non répertorié, perdu au beau milieu de nulle part? S'efforçant de rester positif, il lança à l'adresse du capitaine: toutes ces carcasses ont des moteurs. Avec un peu de chance, vous pourriez y dénicher les pièces de rechange qui vous font défaut. J'étais en train d'y penser, fit Weser. Certaines de ces épaves semblent moins délabrées que leurs voisines. Il est sans doute possible d'en retirer de quoi bricoler nos turbines. Il faudra les explorer toutes. J'en vois qui ne sont pas là depuis longtemps. Ce yacht, par exemple. Il parlait fort, de manière que les matelots entendent ses déclarations et s'empresse de les répéter à leurs camarades. Il était capital que le moral de l'équipe restât bon. Dans le cas contraire, on s'exposait à des risques de mutinerie, voire à des désertions. S'ils estiment que nous n'avons aucune chance de quitter cette île, ils cesseront de se considérer comme des soldats, songea Weser. Par conséquent, ils n'auront plus aucune raison de m'obéir. Au même moment, Amy, debout à la proue du U-boat, brassait des pensées tout aussi pessimistes. « Mon Dieu, se disait-elle, pourvu que ce lieu soit habité. Je n'ai aucune envie d'être la seule Ève disponible au milieu d'un troupeau de mâles esselés. » Elle avait d'ores et déjà la certitude que l'autorité de Weser ne tarderait pas à s'affaiblir. Elle se demanda si elle ne ferait pas mieux de s'enfuir dans la jungle avec Sharon avant que la situation ne se dégrade. « Il faudra que j'en parle avec Ziegfeld, » décida-t-elle. Les hommes souquaient ferme pour sortir du labyrinthe des carcasses et gagner la plage. Quand la quille crissa sur le sable, on sauta dans l'eau pour tirer le canot au sec. Weser avait dégainé son pistolet réglementaire, un Mauser dont il n'avait jamais eu l'occasion de se servir. En alerte, il scrutait la ligne des arbres bordant la plage, s'attendant à en voir surgir des sauvages emplumés, barbouillés de peinture de guerre et brandissant des sagaies. Soudain, un grondement se fit entendre. Quelque chose se fraya un chemin dans les hautes herbes pour s'engager sur le sable. C'était une Rolls-Royce Phantom III, décapotable, de 1937, flambant neuve. Le véhicule s'immobilisa devant les matelots pétrifiés. Un homme de haute taille, entre deux âges, en descendit, vêtu d'une tenue de golf qui sentait son Bond Street à 10 pas. « Hello » lança-t-il avec un sourire éclatant. « Je suis Jonathan College. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur l'île du cul-de-sac. » Il était roux, bedonnant et coiffé d'une invraisemblable casquette écossaise. Son apparition avait frappé les marins d'une stupeur quasi superstitieuse. Ziegfeld, qui parlait anglais à la perfection, s'avança vers l'homme et se présenta à son tour. « Oh !» fit College. « Avoir la mise de ces messieurs, je suppose que cette stupide guerre dont les journaux nous rabattaient les oreilles a fini par éclater. J'ai échoué ici il y a 2 ans. Je me rendais à Cuba à bord de mon yacht pour visiter mes manufactures de cigares, mais nous avons été pris dans une tempête. Machine à chaise, gouvernail brisé, la totale, quoi. Le courant froid nous a capturés et jetés ici au milieu de ce capharnaüm. Mes domestiques m'ont aidé à débarquer mes 2 Rolls-Royce et quelques meubles. Je suis installé là-bas, derrière ce rideau de cocotier, dans un petit bungalow qu'ils m'ont construit assez habilement, je dois le reconnaître. Ces gens du peuple sont parfois étonnants. « Vous avez 2 Rolls-Royce, s'étonna Ziegfeld. » « Oui, une Silver Gauche de 1920, qui appartenait à mon père. Hélas, le sable a endommagé le carburateur, elle ne roule plus. Mais ne restez pas planté là, gentleman. Allons vider un verre chez moi. » Abandonnant la Rolls sur la plage, il se mit à clopiner en direction des arbres. Ziegfeld et les marins lui emboîtèrent le pas, abasourdis. Weser, qui connaissait assez d'anglais pour comprendre les propos de College, les traduisit à l'intention de ses subordonnés. Le golfeur n'avait pas exagéré. Un bungalow colonial se dressait à l'ombre des palmiers. Une véranda le ceinturait, des serviteurs indiens, en uniforme d'un blanc douteux, s'inclinèrent pour saluer les invités. Des consommations furent servies sous forme de jus de fruits, additionnés d'un tafia jamaïcain qui râpait la gorge. Une boisson fruste, ricana l'anglais, mais digne des anciens boucaniers. Ce petit distillat, titre, mine de rien, c'est 55 degrés. Weser s'impatientait. En bon militaire, il aurait voulu recueillir au plus vite des informations stratégiques sur la situation de l'îlot. College prit le temps de siroter quelques gorgées de son drink, d'allumer un cigare, l'un de ses derniers, puis attaqua son exposé. « Nous ne sommes nulle part, déclara-t-il. Cette île ne figure sur aucune carte. Je suppose qu'il s'agit d'une plateforme volcanique destinée à s'effondrer dans la mer à la prochaine éruption. Le cratère est encore en activité. Il s'en échappe parfois des fumerolles nauséabondes et il arrive que la terre tremble. J'espère qu'il ne se comportera pas comme son cousin, le Krakatoa, dans les îles de la Sonde. Le plus ennuyeux, c'est le courant froid. Il encercle l'île, si bien qu'il est impossible de s'en échapper. Si on tente de mettre un radeau à flot, il est immédiatement capturé par le courant et entame une descente rapide vers le sud. Je pense qu'au bout du bout, comme l'on dit, on arrive au pôle sud, où l'on a toutes les chances de mourir gelé en l'espace de quelques jours. Il est inutile d'espérer s'arracher à l'attraction du courant froid par des moyens classiques. Voile, pagaie. Pour sortir de son orbite, il faudrait disposer d'un moteur puissant, en bon état. Hélas, je ne connais rien à la mécanique, et mon ingénieur de bord est mort noyé au cours du naufrage. Vous êtes seul ? Interrogea Ziegfeld. Je veux dire, à part vos domestiques et vous-même, cette île est-elle habitée par une quelconque peuplade ? Oui, oui, bien sûr, s'esclaffa College. Il y a du monde. Des sauvages, oui, mais en petite quantité et pas du tout agressifs. Ils se sont retirés à la pointe sud de l'île. On ne les voit guère. Et puis, il y a les survivants. tous ceux qu'un naufrage a jetés un jour sur ce rivage. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont fini par former des communautés éparpillées ici et là. Certains se sont rassemblés autour d'une idée, d'une religion, d'une nationalité. D'autres, comme moi, vivent à l'écart, en ermite. Vous n'avez pas débarqué sur une île déserte, loin de là. Tous ces gens travaillent à assurer leur survie en cultivant des légumes, des fruits, en élevant des volailles. Certains bateaux transportaient des animaux, chèvres, vaches, cochons, qu'on a pu acclimater ici sans trop de mal. Bref, l'un dans l'autre, l'île du cul-de-sac n'est pas un enfer soumis à la loi d'une horde de cannibales. Nous ne sommes pas dans une aventure de Tarzan, Dieu merci. Et tout ce petit monde vit en paix, sans Kizikfil ? Colitch fit la moue. Cette terre est dominée par deux courants de pensée, lâcha-t-il d'un ton pédant. Pour résumer, disons qu'il y a ceux qui veulent à toute force s'en échapper, et ceux qui, s'y trouvant bien, ont décidé d'y finir leur jour. Et vous, dans quel camp vous situez-vous ? Dans celui des philosophes. Sincèrement, je ne pense pas qu'il soit possible de vaincre l'attraction du courant. Et je n'ai aucune envie de finir gelé sur un cadeau de fortune au bord de la banquise. J'essaie de profiter de la vie, en espérant que le volcan n'entrera pas en éruption avant plusieurs années. Et que font ceux qui n'ont pas votre sagesse ? Les premiers travaillent depuis des années à la construction d'un navire fantasmatique, équipé d'un moteur surpuissant, fabriqué à partir des débris mécaniques collectés ici et là sur les épaves. Les seconds s'échinent à édifier une tour gigantesque au sommet de laquelle ils allumeront un feu pour signaler notre position. C'est là des entreprises dignes d'un pharaon auxquelles je n'ai aucune envie de prendre part. Par scepticisme d'abord, par paresse ensuite. Elles sont menées par des chefs charismatiques entourés de fidèles. Devrais-je dire d'esclaves ? Je pense que vous ferez tôt ou tard leur connaissance. Je ne saurais trop vous conseiller de vous tenir à l'écart de ces excités, sauf si les travaux à la romaine vous passionnent. Le plus urgent, en ce qui vous concerne, c'est de débarquer et de construire des cabanes, des huttes dans lesquelles vous emménagerez. Il pleut plusieurs fois par jour ici, et l'on apprécie d'avoir un toit au-dessus de la tête. Après avoir remercié leur hôte, Siegfried et ses compagnons se retirèrent. L'angoisse des hommes s'atténuait toutefois, car ils avaient désormais l'assurance de ne pas être seuls sur cette terre du bout du monde. L'île était peuplée, l'Anglais l'avait dit. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Des femmes, oui, c'est ce qu'ils avaient retenu. Des femmes. Surtout des femmes.